Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition en langue française et dont voici les titres. Les maladies du riz causent une diminution de la production jusqu'à 30% à propos du représentant de l'Institut de recherche internationale et sur le riz, IRI, Joseph Biguilimana, vous l'entendrez dans ce journal. Et la pénurie du sucre s'observe à Mairie depuis des mois et les habitants sont inquiets de cette situation et demandent la libéralisation de l'importation du sucre. Et chronique sport, colonel Joseph Nunguka, qui est le président de la Fédération Bondaise de Marche, va nous parler des 8 clubs affiliés à la Fédération Bondaise de Marche qui s'affrontent dans les compétitions nationales. Voilà pour les titres. Nelly Kuihangana, la technique, Jean-Marie Mayonga, la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bonjour. 30% de la production du riz s'opère à cause des maladies du riz. Propos du représentant de l'Institut de recherche internationale sur le riz, IRI, Joseph Biguilimana, lors d'un atelier de formation sur les maladies du riz pour l'Afrique subsaharienne et dans lequel 16 pays ont participé, dont la majorité de ces pays provenant de cette région. Ces experts tranquillisent les agriculteurs que la plupart de ces maladies du riz peuvent être traitées par des pratiques agricoles. Suivez-le. Il y a des maladies qui sont partout où on cultive le riz. Je veux citer par exemple la pericularyose. C'est une maladie qui est due à un champignon et qui est présente partout où il y a du riz. Il y a d'autres maladies qui sont causées par les virus, comme la panachure jaune qui est présente au niveau de toute l'Afrique et inclut le Burundi. Il y a d'autres maladies, donc les maladies du riz au Burundi, c'est une réalité. Et nous ne voudrions pas fermer les yeux face à ces maladies. Nous voudrions que les institutions de recherche que nous sommes, l'IRI, les ABU, les différentes universités, se mobilisent pour bien les connaître, les identifier et surtout donner les voies et moyens pour lutter contre ces maladies. Il y a des maladies qui sont connues et il y a des médicaments qui sont connus contre ces maladies. Nous voudrions pas que les chercheurs du Burundi les ignorent. On va s'informer mutuellement et à partir de maintenant, on va créer ce réseau qui va nous permettre de toujours être à la page pour ne pas toujours subir cette perte due aux maladies du riz. Ces dernières saisons, on a eu peu de riz produit au Burundi par rapport aux saisons précédentes. Ça n'a pas été dû seulement aux maladies. C'est notamment, si j'ai bonne mémoire, il y a eu une saison où la SLDI, la Société Régionale pour le Développement de Limbo, n'a pas occupé tout l'espace qu'elle devait occuper parce qu'il y avait des changements dans le système d'irrigation, il y avait des réparations à faire. Donc, il y a une partie du riz qui n'a pas été produite, ça c'est un. Mais aussi, n'oublions pas, il y a des maladies qui causent des pertes. Je vous ai parlé de 30% comme pertes dues aux maladies en général. C'était Joseph Biguilimana qui est le représentant de l'Institut de recherche internationale sur le riz IRI. Page commerce et la population du centre urbain de Kirundo s'indigne de la flambée des prix des denrées alimentaires qui s'observent sur certains produits. Les haricots communément appelés Kirundo coûtent aujourd'hui 2200 alors qu'ils n'avaient jamais dépassé 1400 et les haricots qui s'appellent Kinoulé s'achètent à 2600 le kilo tandis que les jaunes arrivent à 3000 francs le kilo. Même le riz produit à Kirundo de première qualité coûte 2600 le kilo alors qu'il s'achetait à 2200 francs burundais. La population estime que cette hausse est liée à la pénurie de carburant à Kirundo et demande au gouvernement de stabiliser les prix à Brahma Safari. Certains gens du centre urbain de Kirundo disent que les prix exorbitants des denrées alimentaires sur le marché sont très inquiétants. Ils donnent l'exemple du prix du haricot communément appelé Kirundo qui s'achète actuellement à 2200 francs alors qu'il n'avait jamais dépassé 1400 francs le kilo. Le haricot appelé Kinoulé s'achète au marché à 2600 francs le kilo alors qu'il s'achetait à 1800 francs. Tandis que les haricots jaunes s'achètent pour le moment à 3000 francs le kilo où ils n'avaient jamais dépassé 2000 francs ou 2200 francs le kilo. Ici, des personnes se lamentent en disant que les commerçants font le rafle de la récolte vers les autres provinces ou vers les lieux inconnus. Pas seulement le haricot, même du riz a augmenté de prix d'une façon exceptionnelle. Le riz produit à Kirundo, appelé Buryohe, coûte sur le marché à 2600 francs le kilo, alors qu'il s'achetait à 2200 francs le baleine supérieur, comme le précisent des petits commerçants. Ici également, les taxis-voitures de type Probox embarquent des sacs remplis du riz vers les autres endroits, ce qui engendre la montée des prix. La population du centre urbain de Kirundo estime que cette montée des prix a commencé généralement avec la pénurie du carburant qui s'observe en province de Kirundo. Elle demande au gouvernement du Burundi de fixer des prix pour chaque produit dont on ne peut pas dépasser pour faciliter le client sur le marché. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci à toi, Abraham Safar. Ils sont toujours dans le domaine du commerce où la présidence de la pénurie du cycle s'observe en mairie de Bujumbura depuis des mois. Échappe l'entendement, des citadins déplorent les habitants de la ville de Bujumbura alors qu'il est produit localement. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro demandent à l'État de libéraliser l'importation de ce produit de première nécessité. Et lors de la présentation des réalisations de son ministère la semaine dernière, la ministre ayant le commerce dans ses attributions a expliqué que la persistance de la carence du cycle est due à l'augmentation de la demande, y compris la forte demande des usines de transformation. Marie Chantal et Nijimbele précisent que la politique du gouvernement et que le pays ne souhaite pas faire recours à l'importation comme le cycle. Suivez-la, elle est traduite en français par Isne Bariko. Le marché est le lieu de rencontre entre l'acheteur et le vendeur. Si les consommateurs augmentent et que les entreprises ne suivent pas le rythme en augmentant leurs produits, vous comprenez qu'il y a carence de produits sur le marché. Au niveau du ministère, nous sensibilisons et interpellons différents hommes d'affaires à investir dans l'extension et la modernisation des entreprises existantes afin d'augmenter la production. Il y a un élan dans la création de petites et moyennes entreprises de production de jus et d'autres boissons qui ont besoin de sucre comme matière première. Vous comprenez que cet élan de développement nécessite beaucoup de choses. Au ministère, nous travaillons et encourageons les entreprises à produire plus. Notre politique ne met pas en avant les importations, nous encourageons plutôt la production et la consommation locale. C'est une stratégie pour augmenter les devises. Donc, nous ne pouvons pas encourager les Burundais à importer du sucre, nous prenons plutôt l'augmentation de la production pour pouvoir avoir de quoi exporter. Vous suivez la radio Isanganiro, le journal continue, page transport. Plus de 60% des bus de transport en commun sont garés dans les stations-service suite à la pénurie du carburant de type mazout, selon le secrétaire exécutif et porte-parole de l'association des transporteurs du Burundi à Trabou. Cela étant, certains des bus qui circulent violent les itinéraires selon les passagers. Charles Niramheba rappelle cependant les conducteurs des bus à l'ordre pour éviter des sanctions. Suivez-les au micro de Évariste Ndiko. Au niveau de l'association des transporteurs du Burundi, ça fait 5 mois que notre pays connaît une pénurie répétitive de carburant, et ce qui affecte dangereusement le secteur de transport rémunéré des personnes et des biens. S'agissant de la mairie de Bujumbura, où certains chauffeurs égarés et n'arrivent pas à la destination finale, la situation qui règne actuellement dans le secteur de transport devient de plus en plus incontrôlable parce que actuellement beaucoup de bus de transport, plus de 60% de bus, ne sont pas opérationnels. Dans ce cas, il est vraiment très difficile de réglementer le secteur. C'est la raison par laquelle certains chauffeurs cherchent à faire du n'importe quoi, effectivement, et pour justifier la carence de carburant, parce que donc certains chauffeurs sont obligés de chercher du carburant au marché noir. Dans ce cas alors, parfois ils préfèrent opérer dans des endroits près ou bien aller plus loin pour qu'ils puissent gagner beaucoup plus. Alors, au niveau de la Trabou, on lance un appel à ces chauffeurs de respecter la loi de la circulation routière, parce que ces infractions sont réprimées par le code de la circulation routière, même le code pénal. Et quel que soit là où ils ont trouvé le carburant, ils doivent respecter d'abord la loi du pays, sinon ils risquent d'être sanctionnés par la loi telle que je viens de le dire. Et alors là, l'appel que je peux lancer, et comme je vous ai dit, il est vraiment très difficile maintenant de réglementer les véhicules qui ne sont pas opérationnels, mais nos agents qui se trouvent sur les différents parkings, ils doivent d'abord faire respecter la loi pour peu de véhicules qui sont encore opérationnels en attendant que le carburant sera disponible sur les stations-service. Radio Isanganiro, chronique sport. Huit clubs affiliés à la Fédération burundaise de marche s'affrontent dans les compétitions nationales organisées deux fois par an par la Fédération burundaise de marche. Colonel Joseph Nunguka, président de la Fédération burundaise de marche, fait savoir que la première édition a été organisée en 2021 après la formation qui a été dispensée aux entraîneurs et aux arbitres. Les détails avec Charles Makoto. Les compétitions officielles du sport de marche ont débuté au Burundi au mois de novembre 2021 après l'élaboration du règlement de compétition nationale. Propos de colonel Joseph Nunguka, président de la Fédération burundaise de marche et du jogging. C'est un sport qui évolue beaucoup. On suit avec le temps et on essaie de faire pour que le Burundi ne reste pas en arrière. Parce que maintenant, c'est un sport international. C'est nouveau. La discipline de la compétition de randonnée d'endurance a débuté vers la fin de l'année 2021 au mois de novembre. Et pour commencer, d'abord, on a élaboré le règlement de compétition national sur base du règlement de compétition international. Et après l'élaboration de ce règlement, on est passé à la formation des coachs, formation des commissaires, formation des arbitres. On est passé à la formation des pratiquants, des compétiteurs, pour qu'ils savent comment faire ça, comment faire ce sport. La méconnaissance de la pratique de ce sport et les arbitres qui ne maîtrisent pas encore le règlement de ce sport sont certains des défis qui se manifestent plus souvent lors des compétitions. Pour faciliter l'encadrement de ce sport, le président de la Fédération burundaise de marche et du jogging exhorte particulièrement les marcheurs d'adhérer dans des clubs membres de la fédération. Et je dirais qu'il y a de petits défis parce que c'est une nouvelle discipline. Toute nouvelle chose a des défauts et des qualités, mais qui s'améliore au fur et à mesure. C'était surtout la méconnaissance de la pratique de ce sport. Et aussi, c'était l'engouement de participer à la compétition, même si on n'est pas capable. C'est-à-dire qu'il y a des pratiquants âgés de 20 ans jusqu'à ceux âgés de 78 ans et tout le monde voulait participer. Et le grand défi, c'était de faire participer tout ce monde là, mais quand même on y est parvenu en classant ces gens dans des catégories pour que chaque tranche d'âge compétissent à l'interne, pour qu'une personne de 78 ans ne se déchire pas en voulant conclure avec le jeune de 20 ans. Et puis, un autre défi, c'est le défi lié à la méconnaissance et à la non-maîtrise du règlement de compétition par les arbitres eux-mêmes. Il y a encore un attachement au club d'origine. Je dirais que c'est un défi lié à la neutralité qui doit caractériser les arbitres, les coachs, les commissaires. Colonel Joseph Nunguka appelle les amateurs du sport à s'intéresser à la marche. Aux marcheurs du Burundi, de se mettre ensemble et de créer les clubs et adhérer à ces clubs, et à ces clubs d'adhérer à la fédération pour que l'encadrement soit aisé. Parce que la fédération de jogging et de marche du Burundi est appelée à travailler sur toute l'étendue du territoire burundais. Comme ça, le travail est aisé quand tout le monde sera membre des clubs et les clubs membres de la fédération. Comme ça, l'encadrement sera aisé. Tout le monde d'adhérer et soutenir les objectifs de la fédération. Et à notre appel, je lance aux autorités sportives et politiques pour qu'ils nous soutiennent, parce que nous contribuons aussi au développement du pays. Quant au ministère ayant le sport dans ses attributions, la demande est de soutenir les différentes compétitions organisées au niveau national. Merci à toi, Charlie Makoto. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuyangana pour la bonne collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Juste après, le journal, c'est la revue régionale. Merci et bonne suite de nos programmes. Acte. l'actualité régionale. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Les habitants de Moutindoua préfèrent risquer la mort en traversant la route plutôt que de se faire agresser sur une passerelle, titre de Nairobian. Ces habitants ont dénoncé les accidents de la route fréquents au stade de Moutindoua le long de la route Outring. Ils ne sont pas ségur. 15 jours sans qu'un accident ne se produise à cet endroit en début de semaine, précise ce journal. Un homme d'âge moyen a été renversé alors qu'il tentait de traverser vers Buruburu. Quelques jours plus tôt, un adolescent avait également été renversé par un matatu à grande vitesse qui se dirigeait vers la ville, le tuant sur le coup. Selon The Nairobian, Outring Road est considérée comme l'une des routes les plus meurtrières de Nairobi. Moutindoua et la zone entre Donolm et Feda sont considérées comme des points noirs où de nombreuses vies ont été perdues, déplore The Nairobian. Jared Matara, qui utilise fréquemment la route, a déclaré que les piétons évitent la passerelle en raison de l'insécurité, surtout la nuit. La passerelle, a-t-il affirmé, n'a pas de lumière et il y a eu de nombreux cas de personnes agressées en essayant d'utiliser le survol. Le Chili ougandais clôture la session de vendredi plus faible, déclare le journal New Vision de l'Ouganda. Le Chili ougandais s'est légèrement affaibli au cours de la séance de négociation de vendredi en raison de la demande continue en dollars des entreprises et des acteurs interbancaires, ont déclaré des commerçants dans les colonnes du New Vision. L'unité a clôturé à 3555 et 3565, plus faible que le niveau d'ouverture de 3545 et 3555 pour un dollar. Le Chili continue également à subir des pressions sous un dollar fort, alors que les investisseurs continuent de parier sur un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation. La banque centrale compte organiser une vente aux enchères de bons du trésor le 11 mai cette année. Actualité régionale. Le candidat malheureux, Diomi Dongara, appelle à l'annulation du vote pour corruption généralisée, écrit le journal Actualité CD de la République démocratique du Congo. Et jeune Diomi Dongara, président du parti démocratie chrétienne, CD en sigle, et candidat malheureux à l'élection du gouverneur de la province du Congo central, déclare que l'élection a été entachée de la corruption généralisée, où les députés provinciaux ont été achetés par certains candidats. D'après les résultats du vote, Diomé Dongala n'a obtenu aucune voix alors que les candidats Guy Bandou et Ngundianza Bayokisa qui ont obtenu chacun 10 voix seront départagés ce lundi 9 mai lors du deuxième tour. Le conseil du district d'Ilégé interdit aux parents d'amener leurs enfants dans les bistrots, écrit le journal Mtanzania de la Tanzanie. Alors que la région de Songwe est sur un programme progressif de lutte contre le retard de croissance, il a été signalé que dans le district d'Ilégé, les parents ont été une source d'obstacles à de tels efforts en donnant aux enfants de la bière locale sans tenir compte de l'état de la santé de leurs enfants. L'ordre a été émis le 7 mai de cette année par la commissaire du district Anna Guidaria, tout en recevant et en résolvant les défis auxquels sont confrontés les habitants de divers villages du district. C'est par ici que prend fin cette revue de presse régionale. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous étiez avec Odin Daishimiye en compagnie de Merndouayo. À la prochaine. Actualité régionale.